إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui, le mercredi 6 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 29 avril 2020, je suis très heureux de vous retrouver, mes très chers frères et sœurs, afin de poursuivre ensemble, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre lecture dans le livre de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, au sujet de la vie du prophète alayhi salatu wa salam, son livre qui s'appelle Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Donc, avant de reprendre là où on s'était arrêté, je tiens à vous rappeler l'importance de mémoriser An-Nasab du prophète alayhi salatu wassalam à travers ces 5 vers qui sont bi-idhnillah simples à mémoriser. Et ainsi, vous allez connaître par cœur les arrière-grands-parents du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à Adnan. Et comme on a vu, jusqu'à Adnan, c'est unanimement d'accord entre les hommes de science. Et les 5 vers, c'est « Aba'u Sayyidi al-Wara ala al-Rutab, huwa ibn Abdillah Abd al-Muttalib » وهاشم عبد مناف ابن قصي ابن كلاب مرة كعب اللؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك النضر قل كنانة كذلك خزيمة مدركة إلياس ومضر نزارهم قياس ثم ما عبد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الأعيان. Et après Adnan, ils ont divergé. Mais ce qui est unanimement d'accord entre les hommes de science, c'est jusqu'à Adnan. Après Adnan, c'est un descendant de Ismaïl, alayhi salam. C'est pour ça que le Nabi, alayhi salam, il disait, « Ana ibnu dhabihayn. » Je suis le fils des deux qui allaient être sacrifiés. Ismaïl, fils de Ibrahim, alayhi salam, et Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Donc on avait vu dans le cours précédent le bienfait d'Allah qu'il accorde à qui il veut ces hommes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le cœur à l'islam et ils l'ont accepté dès les premiers instants. Dès les premiers jours de la da'wa de notre prophète alayhi salatu wassalam, tels que Abu Bakr as-Siddiq et Khadija radiyallahu anha et Zayd ibn Haritha et Ali ibn Abi Talib et ainsi de suite. Et nous avons vu que d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas accordé cette ni'ma. Tel que l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Talib, malgré qu'il savait que le prophète alayhi salatu wassalam était sur la vérité et que sa religion est une religion de vérité, mais par crainte de se faire insulter comme quoi il a délaissé la religion de ses ancêtres, il a refusé jusqu'aux derniers instants de sa vie de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de prononcer la parole de vérité, « La ilaha illallah ». Et c'est pour ça, vous trouvez qu'il y a des gens qui savent que l'islam c'est la vérité, mais ils refusent de le suivre pour une raison ou pour une autre. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a cité qu'il y avait des sagesses dans le fait que l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, reste sur la religion de son peuple. Sur la religion de son peuple. Ainsi, il a pu garantir une protection pour le prophète, alayhi salatu wassalam, et personne n'osait faire du mal au prophète, alayhi salatu wassalam, pendant son vivant. Contrairement à s'il était devenu musulman, il lui aurait arrivé la même chose que les autres qui sont devenus musulmans. Et il n'aurait plus de statut chez Quraysh, ni de respect. Et ça, c'est parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait qu'il soit resté sur la religion de Abd al-Muttalib, sur la mécréance. Al-da'wa de notre prophète, alayhi salatu wassalam, elle a évolué selon plusieurs phases. Dans la première phase de la da'wa de notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'était une da'wa secrète. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il faisait parvenir la vérité aux gens, il faisait la da'wa aux gens, entre lui et eux. Et même ceux qui sont devenus musulmans, ils cachaient leur islam, par crainte des représailles des têtes de Quraysh. Ça, c'est la première phase de sa da'wa. Dans une deuxième étape, les savants disent que cette phase a duré 3 ans. Bien évidemment, le fait que la da'wa soit secrète ou rendue publique, ça c'est des notions relatives. C'est-à-dire que dans la grosse partie de cette da'wa, c'était basé sur le secret. Et celle qu'ils appellent al-jahriya, la da'wa publique, dans cette da'wa, la plus grande partie était faite d'une manière ouverte. Donc, dans la deuxième étape, le Nabi alayhi salam, il a commencé à faire sa da'wa ouvertement. Et ça a duré jusqu'à sa hijra vers le Médina, jusqu'à son émigration vers le Médina. Et dans une troisième étape, le Nabi alayhi salam, en plus de faire la da'wa ouvertement, dans la phase précédente, il lui était interdit de combattre. Il lui était interdit de combattre, ainsi qu'à tous les musulmans. Dans la troisième, en plus de faire sa da'wa ouvertement et publiquement, il combattait ceux qui commencent le combat. Mais il ne commençait jamais un combat. Et ça a duré jusqu'au pacte de l'Hudaybiya, que nous allons voir, bismillah. Et par la suite, Allah Azza wa Jal a légiféré le combat contre tous les mécréants qui s'opposent à la propagation de la religion et à ce que la vérité atteint les hommes et les djinns tous sur terre. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceci rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé « وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » Avertis tes proches parents, quand Allah lui a révélé ce verset, un Nabi alayhi salatu wassalam est monté sur le mont de Safa. Il a appelé les siens, en commençant par les siens, sa tribu, sa famille, jusqu'à arriver à sa fille Fatima radiallahu anha, et il les a tous appelés à l'islam et à se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne peut rien pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté les liens des parentés qu'il a avec eux, qu'il continuera à entretenir. Mais celui qui ne croit pas, il ne pourra rien pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose de laquelle on tire un enseignement important. C'est que le croyant doit attacher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Comme il a dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Kitab al-Tawhid, dans le Masail, les leçons à tirer. Si le maître des fils de Adam, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne peut rien pour la meilleure ou au moins une des meilleures femmes du paradis, qui est sa fille, malgré tout l'amour qu'il a pour elle, et malgré son statut à elle déjà, il ne pourra rien pour elle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire de ceux qui n'ont pas ce statut-là? Et ça, l'enseignement à tirer de ce hadith, c'est que le croyant doit attacher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et faire les causes pour, avec lesquelles il sera sauvé de son châtiment et ne pas compter sur la noblesse de son origine ou autre. Car ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la piété. Et à la tête de la piété, l'unicité d'Allah. Celui qui n'unifie pas Allah, il n'a pas de piété. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a parlé dans le point suivant, il a parlé de l'animosité et la haine qu'avaient les associateurs pour le muslimine et surtout pour les démunis parmi eux et tout le mal et les oppressions qu'ils leur ont fait subir ainsi que les différentes agressions qu'ils ont pratiquées sur eux et surtout sur les démunis. Et ça, bien évidemment, c'est la méthode de celui qui n'a pas de preuves et d'arguments. Comme les arguments des musulmans sont forts et solides, Kuffar Quraysh, ils ne pouvaient pas répondre à leurs arguments avec d'autres arguments. C'est pour ça qu'ils n'avaient comme recours que l'usage de la force et de la violence et de l'oppression. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez encore de nos jours. Les Kuffar ne peuvent jamais faire face à la da'wa de la vérité avec les arguments. C'est pour ça qu'ils ont recours à une de deux méthodes, la force et l'oppression quand ils sont en puissance et en force, et si jamais ils ne le sont pas, ils vont avoir recours à la raillerie et la moquerie des musulmans. Et beaucoup parmi les premiers dans l'islam ont été éprouvés et ont été durement châtiés, et ils étaient frappés, jetés sur le désert, sur le sable brûlant, et en plus, ils mettaient par-dessus eux, sur leur dos, ils mettaient des grands rochers brûlants, afin de les brûler des deux côtés, d'un côté le sable brûlant, et de l'autre, le rocher brûlant. Au point que certains parmi les compagnons, radiallahu anhum, tellement ils étaient torturés, quand Kuffar Quraysh leur disait, Allah, c'est ton Seigneur, en dehors d'Allah, ils disaient, sous la contrainte et l'oppression, ils disaient oui. Et même des fois, subhanallah, comme a dit Ibn Kathir, rahimahullah, quand ils voyaient un escargot, et l'escargot, c'est une insecte, répugnante. C'est une insecte répugnante qui se nourrit sur les excréments. Et subhanallah, ils ont dit que cet insecte, quand tu lui fais sentir un bon parfum, elle meurt. Et au point, quand il voyait un escargot, il lui disait, c'est ça ton Seigneur? Il dit oui, sous la contrainte et sous l'oppression. Et bien évidemment, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Dans ce verset, dans son sens approximatif, ceux qui mécroient en Allah après avoir cru en lui, sauf s'ils abjurent sous la contrainte, alors que leur cœur reste ferme en la foi, en sa foi, la foi en Allah. Ceux qui ouvrent volontiers leur cœur à la mécréance verront la colère d'Allah s'abattre sur eux et ils auront un terrible supplice. Ils auront un terrible supplice. Par contre, ceux qui parlent avec la mécréance sous la contrainte, tout en ayant le cœur apaisé avec la foi, il n'y a aucun mal pour eux. Il n'y a aucun mal pour eux, car Allah subhanahu wa ta'ala les a excusés dans ce verset. Et un jour, le grand ennemi d'Allah, Abu Jahl, Amr ibn al-Hakam, est passé à Amr ibn Hisham. Abu Jahl, son nom c'est Amr ibn Hisham. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Abu Jahl, le pharaon de cette communauté. Grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam et des muslimines. Un jour il est passé devant Sumayya radiallahu anha, la mère de Ammar, l'épouse de Yasir. Et les trois étaient très très durement torturés. Les trois était extrêmement torturé par le kuffar. Et ce jour-là, le grand ennemi d'Allah, Abu Jahl, est passé devant Sumayya pendant qu'elle était torturée, elle et son fils et son époux, et فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. Il l'a lancé avec un harpon au niveau de son vagin, radiallahu anha, il l'a tué. Qu'Allah l'agrée, elle, et son fils, et son époux. Il l'a tué ce jour-là, le grand ennemi d'Allah. Et ainsi, et ça c'est une faïda importante, ainsi, Sumayya, radiallahu anha, est le premier martyr dans l'islam. Parmi les hommes et les femmes. Parmi les hommes et les femmes, le premier martyr, le premier homme qui a donné sa vie dans le sentier d'Allah et qui a sacrifié sa vie pour le triomphe de la vérité, c'est une femme dans l'islam. C'est Sumayya radiallahu anha. De la même manière qu'on a vu précédemment que la première femme qui est entrée dans l'islam, c'est Khadija radiallahu anha. Et même c'est la meilleure personne qui est entrée dans l'islam. Donc, la première personne qui est entrée dans l'islam, c'est une femme. La première personne qui a sacrifié sa vie pour l'islam, c'est une femme. On voit à travers ça le statut important qu'avait la femme dans l'islam, et qu'elle a toujours. Et qu'elle a toujours dans l'islam. Et on regarde pas les traditions et les pratiques qui puissent exister dans des sociétés qui sont contraires aux enseignements de l'islam. Et Abu Bakr radiallahu anhu, quand il passait par certains parmi les esclaves et les démunis qui étaient châtiés et torturés, il lâchait radiallahu anhu de ses maîtres, et il l'affranchissait aussitôt. Et parmi ceux avec lesquels il a fait cela, Bilal ibn Abi Rabah, radiallahu anhu. Il l'a acheté, il l'a affranchi aussitôt. Également sa mère, Hamama. Et il a acheté également Amir ibn Fuhayra. Il a acheté Ummu Habs. Il a acheté une femme qui s'appelle Zinnira. Une autre femme qui s'appelle An-Nahdiya. Et sa fille. Il a acheté une servante de la tribu de Bani Adi, que Omar radiallahu anhu, avant son islam, il l'a torturée énormément afin qu'elle délaisse l'islam. Abu Bakr a acheté tous ses hommes et ses femmes et il les a affranchis pour Allah subhanahu wa ta'ala. au point où son père, Abu Quhafa, un jour il lui a dit, « Oh mon fils, je vois que tu as franchi des gens qui sont des démunis, des faibles. Si seulement tu as acheté des gens forts qui peuvent t'aider et te protéger, au lieu d'affranchir des gens faibles et démunis qui ne peuvent rien pour toi. » Et Abu Bakr radiallahu anhu a répondu en disant, « Je veux ce que je veux. Urid ou ma urid. Je veux ce que je veux. » C'est-à-dire, il veut ce qu'il y a auprès d'Allah. Et les mufassirin, les exégèses, ont dit, au point où ils l'ont rapporté d'une manière unanime, que ce verset a été révélé à son sujet. « وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى » Il sera épargné, l'homme pieux, il ne sera épargné que l'homme pieux. Qui est cet homme? C'est Abu Bakr radiallahu anhu, qui dépense de ses biens pour se purifier, et il ne le fait point pour rendre à quelqu'un la dette d'un bienfait, mais uniquement en voulant le visage de son Seigneur, le Très-Haut, radiallahu an Abi Bakr. Et vous constatez que Umar radiallahu an, yani comme l'ont dit certains des compagnons, il faisait du mal aux musulmans, à lui seul, un mal égal à tout ce qu'il subissait des restes de Kuffar Quraysh. Et Omar radiallahu anhu, il est entré dans l'islam tard par rapport à ces hommes qu'on a vus. Mais, regardez, le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Omar, c'est le deuxième meilleur homme de cette communauté. C'est le deuxième meilleur homme de cette communauté. Et non seulement de cette communauté, il est le deuxième meilleur homme après Abu Bakr Siddiq de toute l'humanité, de tous les fils de Adam, excepté les messagers et les prophètes, comme ceci a été rapporté dans un hadith de notre prophète, alayhi salatu wassalam, authentifié par l'imam al-Albani. Omar également, il faisait beaucoup de mal à son cousin, Saïd ibn Zayd, ibn Amr ibn Nufayl. Son père, c'est un homme qui était sur l'unicité d'Allah avant l'islam, et qui est mort avant l'islam. Le Nabi alayhi salatu wassalam nous a informé qu'il l'a vu, yani qu'il viendra devant Allah une communauté à lui seul. Il était sur la religion de Ibrahim. C'est parmi les monothéistes qu'il y avait avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Son fils qui s'appelle Saïd ibn Zayd, qui est un des 10 annoncés au paradis, il était très très torturé par Omar radiallahu anhu, afin qu'il délaisse l'islam et qui revient dans la religion de ses ancêtres, dans la mécréance. Mais il a patienté jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a levé cette épreuve pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé Omar vers l'islam. Et subhanallah, parmi les histoires étonnantes, on va la voir quand on commence le Habasha. Mais j'espère que je ne vais pas l'oublier, une histoire qui concerne Omar radiallahu anhu. Donc ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a parlé de l'émigration vers le Habasha. Tellement les croyants étaient torturés et avaient subi de mal de Kuffar Quraysh, ils ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de les autoriser à émigrer vers une autre terre dans laquelle ils pourront adorer Allah sans subir du mal de la part de ces kuffars. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a choisi pour eux Al-Habasha, l'Éthiopie. Et il leur a dit, il y a dans ce pays un roi auprès duquel personne ne subit d'injustice. Il parlait de Najashi. Un Najashi qui s'appelle Ashama. Un Najashi, le négus, son nom c'est Ashama. Ashama, ça signifie le généreux, celui qui donne beaucoup. Et Najashi, c'est un titre. qu'avait le roi de l'Éthiopie. Comme César, c'est un titre qu'a le roi des Romains. Et comme Kisra, c'est un titre qu'a le roi des Perses. Donc Najashi, cet homme que le Nabi a décrit dans un hadith authentique ainsi, un roi auprès duquel personne ne subit d'injustice, et par la suite Sahaba radiallahu anhum, certains parmi eux ont fait cette première hijra vers la terre de l'Habasha. L'Habasha, elle se trouve pas loin de la Mecque, l'Habasha. Il y a juste la mer qui la sépare de la terre sèche dans laquelle il y a Mecca. De Mecca vers l'Habasha, tu traverses ce qu'on appelle le Bahr al-Ahmar, la mer rouge, que l'imam Ibn Kathir, rahimallah, a appelé Bahr al-Qulzum. C'est un autre nom de la mer rouge. C'est le nom d'un pays sur le bord duquel il y a la mer rouge, et cette mer a été appelée par le nom de ce pays également. Donc, ils sont partis vers l'Habasha, et dans cette première émigration, le nombre de ceux qui sont partis, c'est 11 parmi les hommes et 4 parmi les femmes. Il y a d'autres savants qui disent 12 parmi les hommes et 8 parmi les femmes. Les savants expliquent que la différence dans les nombres, ça peut être justifié par le fait qu'il y a des savants qui vont compter les petites filles, et d'autres non, les petits garçons, et d'autres ne vont pas les compter. Donc, une petite partie des compagnons sont partis en secret dans le mois de Rajab, de l'année 5 de l'envoi du prophète alayhi wassalam vers la terre de l'Habasha, la terre gouvernée par Najashi, le Négus. Et parmi, à la tête de ceux qui sont partis, Uthman ibn Affan, avec son épouse Ruqayya, radiallahu anha, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens les ont suivis. Également parmi les premiers qui ont émigré, Abu Hatib ibn Amr ibn Abd Shams. Donc ça, c'est la première émigration vers l'Habasha. Ils sont restés là-bas, jusqu'à ce qu'un jour, ils ont entendu une nouvelle. Comme quoi, Kuffar, Quraysh, tous, ils sont entrés dans l'islam. Et l'histoire de cette fausse nouvelle, qui était uniquement une rumeur et non pas une vérité, c'est qu'un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lisait Sourate Najm. وَمَا أَدْرَاكَ مَا Sourate Najm. Cette sourate extrêmement puissante quand tu la lis. Et le Coran, tout le Coran, il est ainsi. Mais il y a des sourates du Coran qui peuvent être plus forts dans les mots et les termes que d'autres. Et ça, c'est la caractéristique des versets et des sourates qui ont été révélés dans la période mécoise. Contrairement à ce qui a été révélé dans la période médinoise, ça a été caractérisé par les jugements, l'ahkam, et ainsi de suite. Les sourates et les versets mécois sont caractérisés par ce point et par d'autres points, tels que l'éloquence, la grande éloquence et les défis qui sont lancés aux mécréants, dans lesquels Allah il parle beaucoup du jour du jugement dernier, de la résurrection, et ainsi de suite. Donc, quand Nabi Isa salam, il lisait Sourate Najm dans une assemblée dans laquelle il y avait des muslimines et des associateurs. Et parmi les associateurs qu'il y avait, Al-Walid ibn al-Mughira, un grand ennemi du prophète alayhi salatu wassalam. Un vieil homme, grand ennemi du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand Nabi alayhi salatu wassalam est arrivé à l'endroit vers la fin de la sourate dans lequel on se prosterne, tout le monde s'est prosterné. les musulmans et les kuffars qu'il y avait, y compris le Walid ibn al-Mughira. Mais subhanallah, il ne s'est pas prosterné par terre. Il a pris de la terre dans sa main et il s'est prosterné sur sa main. Et il s'est prosterné sur sa main. Et entre parenthèses, on voit certains de nos parents qui ne peuvent pas se prosterner par terre, quand ils prient, ils se prosternent sur leurs genoux en étant assis sur une chaise. Et ça, c'est une erreur. Quand tu ne peux pas te prosterner ou t'incliner dans la salat, il suffit de faire l'ima, ce que le Nabi alayhi salam nous a enseigné. C'est que tu vas t'incliner un petit peu pour recours et un petit peu plus pour sujoud. Mais tu descends pas jusqu'à mettre ton front sur tes jambes. Ça, c'est une erreur. Donc, tout le monde s'est prosterné, y compris le Walid ibn al-Mughira, et les gens ont commencé à dire que Kuffar Quraysh sont entrés dans l'islam, et ceci n'était pas vrai. Et à leur arrivée à Mecca, ils ont trouvé que la situation s'est empirée encore plus que pendant qu'ils étaient à Mecca. Et ils ont refait un autre voyage vers le Habasha une deuxième fois. C'est la deuxième émigration vers le Habasha. Mais cette fois, ils sont partis beaucoup plus nombreux. Et à la tête de ce deuxième voyage, il y avait Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils sont partis dans ce voyage, leur nombre était à peu près 80 et quelques parmi les hommes et 19 parmi les femmes. 19 parmi les femmes, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Et ce deuxième voyage, il a eu lieu dans le mois de Shawwal de la même année, c'est-à-dire de la cinquième année après l'envoi de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont partis le premier voyage dans le mois de Rajab et le deuxième dans le mois de Shawwal. Et ainsi les musulmans sont restés dans le Habasha, l'Éthiopie, auprès de An-Najashi, chez lequel ils ont connu que du bien, comme leur a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient honorés et tout. L'histoire que je voulais dire par rapport à Omar radiallahu anhu, c'est que parmi les femmes qui sont parties dans ce voyage vers le Habasha, l'Éthiopie, une sahabiya parmi les premières dans l'islam qui s'appelle Layla bint Abi Hatma, épouse de Amir ibn Rabi'a, radiallahu anhuma. Et elle a raconté, comme ceci est rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya, Layla radiallahu anha dit que la nuit dans laquelle elle se préparait pour son émigration, elle se préparait en secret pour son émigration vers le Habasha, quand elle s'est préparée complètement, elle est montée sur sa monture, sur son chameau. Et à ce moment, Omar l'a vu. Il lui a dit, tu vas vers où, ya Umm Abdillah, sa kunya, Umm Abdillah, la kunya de Layla, radiallahu anha. Elle lui a dit, vous nous avez fait du mal dans notre religion, alors nous allons dans une autre terre dans laquelle ne pourrons, parmi les terres d'Allah, dans laquelle ne pourrons adorer Allah sans subir de votre mal. Qu'est-ce qu'il lui a dit Omar? Lui a dit, sahibakumullah, partez en compagnie d'Allah. Une belle parole, comme s'il a été touché. Et comme si c'est le début de l'entrée dans l'islam et de la foi dans son cœur. Comme s'il a été attendri. Et en réalité, quand tu réfléchis, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal? Ils ont voulu adorer Allah seul, sans rien lui associer. Et délaisser les pratiques païennes qu'avait Kuffar Quraysh. Ils ont voulu faire adorer Allah seulement. C'est ça la seule chose qui leur a été reprochée. Et ils ont subi tellement de mal, et regarde comment ils ont tout sacrifié, tout délaissé derrière eux, et ils sont partis dans un autre pays dans lequel ils peuvent adorer Allah. Subhanallah. Et quand son mari est venu, Amir ibn Rabi'a, elle l'a informé de ce qui s'est passé avec Omar. Amir ibn Rabi'a lui a dit, tu penses et t'espères qu'il devient musulman? Elle a dit oui. Il lui a dit, par Allah, que l'âne de l'Khattab devient musulman est plus probable que Omar devient musulman. Qu'un âne devient musulman, pour lui, dit, radiallahu anhu, Amir ibn Rabi'a, c'est plus probable que Omar devient musulman. Et ça, radiallahu anhu, il l'a dit, tellement il a vu le mal qu'il faisait aux croyants. Mais, comme on sait tous, mes frères, la guidée, c'est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Amir ibn Rabi'a, radiallahu anhu, un des premiers dans l'islam, un des grands dans l'islam, que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Il a donné ce jugement selon l'apparence. C'est pour ça qu'il n'y a aucun blâme à ce niveau-là. Mais la guidée est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guide qui il veut, quand il veut. C'est pour ça, ne te préoccupe pas de quand est-ce qu'un tel sera guidé. Mais malheureusement, nous, toujours et souvent, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde parmi nous. Quand on fait la da'wah à quelqu'un, on veut le résultat tout de suite. Et sinon, on dit, c'est un orgueilleux. On dit, il a rejeté la vérité. Non, ya akhi. Ad-da'wa a des causes et a un temps. Ad-da'wa a des causes et a là un temps. Toi, tu ne possèdes que les causes. Mais le temps de la guider, je répète cette phrase pour son importance. Et notez-la bien, barakallahu fikum. Ad-da'wa, al-hidayah, la guider, a des causes et a là un temps. La guider a des causes et la guider a un temps. Nous avons les causes entre les mains. Que nous devons faire. Mais le temps de la guider, c'est entre les mains d'Allah. C'est pas toi qui le contrôle. Alors ne te préoccupe pas trop de quand est-ce qu'il va accepter, de quand est-ce qu'il sera guidé. Fais les causes. Et ça, c'est une adoration. Fais les causes et fais la da'wah. Et la guider des cœurs, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé Omar vers l'islam. Et même, comme on a vu, il est devenu le deuxième meilleur homme de cette communauté après Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu sahabati jami'an, qu'Allah agrée tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans exception, tous ses compagnons radiyallahu anhu, et qu'Allah combatte al-Rafida wa al-Shi'a, qui disent du mal des compagnons radiallahu anhum, et qui les détestent, et qui rendent la plupart d'entre eux mécréants. Wal'iyadu billah. Et quel islam ils ont ces gens-là. Wallah, si vous voyez comment ils sont quand ils viennent fil Madina et fil Mecca, vous allez voir, surtout l'imamiyya, al-rafida, vous allez voir que ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Salat est accompli à la mosquée, eux ils sont dans les tombes. Ce sont, comme les savants les ont décrits, des adorateurs des tombes. Et ça, sans rentrer dans les détails de leurs croyances, que même Abu Lahab peut-être et Abu Jahl n'avaient pas comme croyance, que des humains créent et donnent la vie et ôtent la vie, ils croient des choses comme ça et pire encore. En plus de toutes les mauvaises croyances qu'ils ont vis-à-vis des compagnons, radiallahu anhum. Qu'Allah les guide. Ou qu'Allah les fasse. Ou qu'Allah les fasse périr. et qu'Allah préserve les musulmans de leur mal. Et c'est pour ça que la da'wa de l'islam, elle est ouverte pour tout le monde. Et pas comme certains de nos frères pensent. On fait da'wa salafiyya à des salafiyins. La da'wa est proposée à tout le monde, aux mécréants, aux awam, les gens de la masse. Elle est proposée aux salafiyins. Elle est proposée à tout le monde, les innovateurs, les égarés. On fait da'wa à tout le monde. Cette da'wa, elle est proposée et elle est donnée pour tout le monde, tous ceux qui souhaitent l'islam. Même les mécréants qui combattent l'islam, on leur propose l'islam. Mais bien évidemment, quand je dis la da'wa, ne veut pas dire que tu vas te mélanger à des égarés, à des innovateurs, sous prétexte que tu leur fais la da'wa. Ça, c'est des choses dans lesquelles la règle de base, c'est que c'est pas permis. Après, ça peut être permis dans des cas, et dans toutes ces choses-là, on revient aux hommes de science. Pour savoir ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas. Mais comme règle de base, le croyant doit se préserver de se mélanger à des égarés. Sauf quand il leur fait la da'wa. Et la da'wa ne nécessite pas que tu te mélanges, que tu te mêles à eux. Il y a 24 heures sur 24 heures, tu peux lui donner un audio, tu peux lui donner un livre dans lequel tu l'invites à la sunna et à la salafia. Et tu peux lui parler si tu as la science et que tu peux lui faire da'wa. Sinon, rien ne vaut le fait de se préserver. As-salamatu la ya'diluha shay'. Et ainsi, les compagnons radiallahu anhum sont restés en Éthiopie pendant un certain temps en sécurité avec les garanties que leur a données An-Najashi. Jusqu'à ce que Quraysh ont commencé à réfléchir et ont vu le danger. Car comme je l'ai dit précédemment, l'Éthiopie n'allait pas à une très grande distance de la Mecque. T'arrives jusqu'à la mer Rouge, tu la traverses, et après c'est l'Éthiopie. Donc il peut y avoir un danger pour eux. Si jamais les musulmans restent dans cette terre, et ils se multiplient, et que par la suite ils reviennent à Mecca. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'arrêter cela. Et ils ont envoyé un groupe d'hommes, parmi les meilleurs d'entre eux, les plus forts dans l'argumentation, à leur tête, Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui vont devenir musulmans par la suite, et ils les ont envoyés avec des cadeaux, et en particulier des cadeaux que Najashi aime beaucoup, et ils leur ont donné une astuce, ils leur ont donné, avant de commencer à parler avec Najashi, donner des cadeaux d'abord au Bapariqa. Assez Bapariqa. Le Bapariqa, ce sont les grands moines chrétiens. Car Najashi était sur la religion chrétienne. Ils leur ont dit, donnez-leur des cadeaux. Au chef, yani moine. Le Bapariqa, ça représente un grade dans la religion chrétienne. Yani, dans leur savant, c'est un grade, quand ces hommes-là, c'est un des plus grands grades. Pas le plus grand, mais un des plus grands. Ils leur ont dit, donnez-leur beaucoup de cadeaux avant de commencer à parler avec Najashi. Et ça, c'est une astuce et une technique pour qu'ils les aident contre les démunis parmi les compagnons, radiyallahu anhu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à parler avec Najashi. Et ils ont tout essayé, il a refusé de les écouter et de répondre favorablement à leur demande, qui était d'expulser ses compagnons et de ne pas les garder chez eux et de les renvoyer vers Mecca. Il a refusé catégoriquement Najashi de répondre à leur demande, jusqu'au point Amr ibn al-As a eu une idée, il a eu une idée de dire à Najashi que ces musulmans prétendent que Isa alayhi salam est un serviteur d'Allah, contrairement à la croyance chrétienne qui était répandue. Et subhanallah, regardez mes frères, que même chez les kuffars, ils sont pas tous pareils. Les kuffars dans leur mécréance, ils sont pas tous pareils, c'est tous des mécréants. Et ils s'éterniseront tous en enfer si jamais ils meurent sur la mécréance et qu'ils refusent de suivre l'islam. Mais les mécréants ne sont pas tous pareils. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, laysu sawa. Ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas tous pareils. Abdullah ibn Rabi'a, quand Amr ibn al-As a eu cette idée, il a refusé. Il a dit à Amr ibn al-As, ne lui dis pas ça. Car il savait qu'il pouvait leur faire du mal, si jamais il entend qu'ils disent du mal de Isa alayhi salam. Il a dit, ne lui dis pas ça, mais Amr ibn al-As a persisté, et il était voir Najashi, il lui a dit, voilà, ces hommes-là disent quelque chose de très grave au sujet de Isa. Il lui a dit, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils les ont tous réunis, sahaba radiallahu anhu, avec leur chef, et celui qui était à leur tête, Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu. Il lui a dit, qu'est-ce que vous dites de Isa alayhi salam? Et là, Ja'far radiallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné cette intuition, et il n'a répondu qu'avec, qu'en lisant les versets de Surat Maryam. Il a récité les premiers versets de Surat Maryam. Et quand il a terminé, Najashi a pris un petit bâton en bois, un petit bâton, il a pris de la terre, il a dit, ce qui est décrit, ce que tu viens de dire, n'est différent de ce qui a été rapporté dans la Torah que de ce petit bâton. Et ça, c'est une expression, je l'ai traduit littéralement, mais le sens de la phrase, c'est qu'il n'y a aucune différence entre ce que tu viens de dire et ce qui a été révélé dans la Torah. C'est exactement pareil. Et il leur a dit, vas-y, vous avez l'assurance et la garantie sur mes terres. Et celui qui vous fait du mal, il sera obligé de vous dédommager. Et il leur a donné cette assurance et cette garantie de vivre en paix sur ces terres. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. Je dis rahimahullah wa radiyallahu anhu car Najashi le Négus, il est entré dans l'islam. Najashi, rahimahullah, est entré dans l'islam. Et il est mort sur l'islam. Et à sa mort, personne n'a prié salat al-janaza sur lui. Et le Nabi alayhi salatu wa salam l'a fait de Mecca. La prière sur l'absent. Et ça, c'est autorisé. Quand un musulman, personne ne prie sur lui, et qu'il n'a personne pour prier sur lui, sur place, il est autorisé de prier sur lui la prière de l'absent, à distance. Comme il l'a fait le Nabi alayhi wa sallam. Et non pas comme font certains, ils prient sur un musulman par exemple en France et ils le ramènent et d'autres vont prier sur lui la prière de l'absent dans d'autres pays. Ça à la base c'est pas autorisé. Sauf si le gouverneur l'ordonne par rapport à une personne particulière. Donc salat sur le ghaib, sur l'absent, c'est quand personne n'a prié sur lui. Ça c'est la règle de base dans cette salat, dans la prière sur le mort. Et il a été rapporté même que Najashi, c'est lui qui a fait da'wah Amr ibn al-As, et qu'il est sorti de chez lui musulman. Et également, comme je vous ai dit, Abdullah ibn Abi Rabi'a est entré dans l'islam. Et quand il est devenu musulman, son nom dans l'islam était Bajira. Et Nabi alayhi salallahu alayhi l'a changé en Abdullah. Avant, il s'appelait Bajira. Et Nabi alayhi salallahu alayhi l'a changé en Abdullah. Et il a été, l'imam Ibn Kathir a rapporté que Najashi, le négus, a dit à Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, il leur a dit, même si vous me donnez une montagne en or, je ne vous donnerai pas ces hommes-là. Et il a ordonné de leur rendre tous leurs cadeaux. Et il a dit, j'en ai pas besoin de vos cadeaux. Et il leur a rendu tous leurs cadeaux. Et ils sont retournés sans avoir ce qu'ils voulaient. Voilà aujourd'hui, mes très chers frères, par rapport à ce que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité, que ce soit, ou avant de finir, Afwan, j'avais oublié, dans le cadre de les différents styles de kuffar Quraysh pour faire du mal aux compagnons, je vais les citer d'une manière concise, bidnillah, que Kuffar Quraysh avait différentes méthodes pour s'opposer à la da'wa de l'islam et pour faire face à la propagation de la religion de l'islam. Et parmi ces styles qu'ils ont utilisés, c'est qu'ils ont essayé de mettre la pression sur Abu Talib afin de ne plus protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien évidemment que son oncle a refusé jusqu'au dernier instant, il a toujours refusé. Également, parmi leurs méthodes, c'est les accusations qui ne sont pas fondées. Les accusations avec lesquelles ils ont accusé le Nabi alayhi wa sallam. Toutes les accusations par lesquelles ils l'ont accusé. Ils l'ont accusé de folie, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont accusé de sorcellerie. Ils l'ont accusé de sorcellerie. Et ils ont prétendu qu'il divise les membres de la même famille. Donc c'est un sorcier. Ils l'ont accusé de mensonge. Ils l'ont accusé de ramener des histoires anciennes et ils ont prétendu que le Coran n'est pas une révélation d'Allah. Ils ont accusé les croyants d'égarement. C'est pour ça qu'ils les appelaient As-Sabi'a. Quand quelqu'un devenait musulman, ils disaient Saba'a. Ça veut dire qu'il a délaissé sa religion. Comme si tu dis il a apostasié. Et parmi les styles qu'ils utilisaient également, c'est la moquerie et la raillerie vis-à-vis des croyants. Et ça, c'était utilisé, comme je vous ai dit, surtout par rapport à ceux qui ne pouvaient pas leur faire du mal directement. Ils utilisaient ces méthodes-là. Également, parmi les méthodes auxquelles ils ont eu recours, surtout vers la fin, c'est d'essayer de trouver des compromis et des négociations avec le prophète alayhi salatu wassalam, au point où ils lui ont dit, si tu veux devenir un roi, nous te désignerons comme un roi. Si tu veux les femmes, on te donne les femmes. Si tu veux la richesse et l'argent, on te donne tout ce que tu veux. Et si tu es malade ou tu es touché par un djinn, viens, on va te trouver un raqi et on va tout donner pour que jusqu'à ce que tu sois guéri. Et rien de ça n'a fait bouger notre prophète alayhi salatu wassalam de sa mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Donc ça, c'était le mal qu'il faisait aux muslimines, le mal physique. Également, ils ont eu recours à faire du mal psychologique. Et ça, en insultant le Coran, par exemple. Et bien évidemment, ce genre de mal était beaucoup plus dur pour le prophète, alayhi salatu wassalam, que le premier. Quand ils insultaient le Coran, et ils disaient du mal de le Coran, et que c'est des mensonges, ils ont essayé de rentrer en contact avec les juifs, afin d'avoir des questions de leur part, comme c'est des gens du livre, pour dévoiler le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont interrogé au sujet de l'âme, ils l'ont interrogé au sujet des gens de la grotte, ils l'ont interrogé au sujet de Dhul-Qarnayn, et ainsi de suite. Et également, parmi les méthodes, c'est qu'ils ont, des fois, ils ont fait du mal physique à notre prophète, alayhi salatu wassalam, et à ses nobles compagnons, tels que Abu Bakr, et tels que Bilal, et d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Et parmi ceux qui ont subi le plus de mal physique, comme je vous ai dit, la famille de Ali Yasir, Ammar, sa mère Soumaya et son père Ammar et Yasir, radiyallahu anhum. Ammar et le père c'est Yasir, et la mère c'est Soumaya, la première martyre dans l'islam. Bilal, radiyallahu anhum, un de ceux qui ont subi le plus de mal physique, Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhum, également. Et surtout beaucoup parmi les esclaves et les servantes, radiyallahu anhum jami'an. Également parmi les méthodes qu'ils ont utilisées, auxquelles ils ont recours, c'est comme ce qu'ils ont fait avec le négus, c'est d'être derrière les compagnons, radiyallahu anhum, partout où ils vont, partout où ils vont. Également, ils ont eu recours au boycottage. Et ça, on va le voir là plus dans les détails, quand ils ont boycotté toute la famille du prophète, alayhi sallam, ils se sont retirés dans Shi'b. Voilà, par rapport à aujourd'hui, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous aider, surtout pendant ce mois de Ramadan, à l'adorer de jour comme de nuit, comme il aime, subhanahu wa ta'ala, sincèrement et conformément à la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alameen, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.